En ces temps reculés de notre civilisation, en pleine pénurie de bons sons, la France se divise, la France se déchire. C'est alors qu'un jour d'hiver, une bande de tchogas venus d'une contrée lointaine, du pays des mines de charbon et des pavés boueux, arrive avec un son mystérieux, une musique qui se disprête à donner en public, en échange d'un bon repasseau. Nous voilà donc autour de la table. Au milieu de la bande, il y a ces deux énergumènes aux mines patibulaires, qui parlent beaucoup, qui parlent trop. Ils parlent de musique populaire et de France profonde, alors qu'entre nous, ils n'ont pas l'air très français ces deux-là. Le peuple s'impatiente à en perdre raison. Comment serait-il autrement, lui que l'on a si souvent trompé, trahi. Après un roux gargantuesque, un des voyageurs prononce une incantation barbare, Amdoula. Que cela pouvait-il bien signifier? Toujours est-il que suite à cela, ils se mirent à jouer. Don't go.

looking like. I'd like to break the ice with a little bit of heat. My fingers to my mouth, my head on his lap.

be like when you listen to that voice speaking to you all the time, telling you all the things you need to know. It may be hard to understand and hard to follow from time to time, but if you're not trying, nothing will change. It's your choice, the way you live your life, and not only within your dreams. With your eyes wide open, there's a lot more to see than you've seen so far. So why don't you just give it a go and listen to what your heart says and stop questioning. It's easy, easy, easy, easy, easy, easy. Yeah. We'll be right back.